piquer mes rêves et mon sommeil. Et que ton visage est une merveille. Dis l'instant où on sera réunis. Non, on sera dans mon cœur gravé à l'infini. À jamais pour toute la vie. Habibi Allah, Inch'Allah tu seras mien. Inch'Allah pour toute la vie. Inch'Allah, pour toute la vie, mon amour sera wallah, fidèle à tes yeux, ma chérie. Oh, yallah, Inch'Allah, tu seras mienne. Inch'Allah, pour toute la vie, mon amour sera wallah, fidèle à tes yeux, ya. Inch'Allah, pour toute la vie, mon amour sera wallah, fidèle à tes yeux.